Mesdames et messieurs et autres créatures indigestes, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette présentation spéciale et unique du Great Metal Massacre Circus, la seule vraie foire métal ambulante qui ne donnera qu'une seule et unique représentation. Une seule représentation parce que, à la fin de cette prestation, il ne restera plus personne suffisamment en état pour pouvoir assister à une deuxième. Soyez avisés, cœurs sensibles et âmes sensibles, qu'ici se commettront les pires atrocités sonores que le métal n'ait jamais engendrées, des artistes démoniaques et ou tout simplement au service des forces obscures. Les uns après les autres, ils défileront devant vos oreilles horrifiées dans une décadente parade électrifiée. Dès à présent, si vous décidez de demeurer présent, c'est à vos risques et périls. Mais avant toute chose, tout bon spectacle comporte une première partie. Et c'est à la noirceur du Stoner Doom que débutera cette présentation du Great Metal Massacre Circus. 'Cause we said so. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette édition spéciale de réanimation en ce 21 février de l'an plus que disgrâce 2012. Je suis le Dr. Pain Pendragon et ce soir, je suis une fois de plus accompagné de cette créature étrange, mais dois-je dire loyale, Sinistros. Ouais, une loyale étrangeté. Oui, voilà. Comment vas-tu? C'est pas de tes affaires. Effectivement, ce n'est pas de mes affaires. Mais comment vas-tu? Ben, c'est pas ce pire. Bon, j'aurais fini par le savoir. Vous le savez, nous l'avons annoncé la semaine dernière. Nous l'avons posté sur le site de... C'est fou. Nous l'avons posté sur le site de réanimation. Sinistros, Facebook, et voilà. Ce soir, c'est une émission spéciale que nous animerons, Sinistros et moi, qui sera consacrée à l'extrême. Mais pas avant d'avoir terminé nos présentations d'albums de cette semaine, puisque par la suite, ce sera un déluge, une tornade non-stop de métal, ma foi, abrutissant. Une tornade, que dis-je, un tsunami. Un tsunami, voilà. Un tremblement de terre, une fin du monde. Et un apocalypse. Oh! Vous venez d'entendre à l'instant la formation britannique, en fait deux formations britanniques, une pièce qui est tirée du dernier EP et qui sera probablement, je le crois, le dernier album de pièces originales de cette formation, Cathedral, puisqu'ils se sont séparés. Mais oui, en fait, il y a quelques mois à peine. Ben voyons donc. Après une longue carrière, doit-on dire. Par contre, une très longue carrière, je pense que Lee Dorian... Fait qu'il n'y aura pas d'autre chose qui va sortir? En fait, non. Ils ont annoncé s'être séparés, terminé une tournée d'adieu. Mais en fait, l'histoire prouve que beaucoup de formations reviennent au bout d'un certain temps. Sait-on jamais, ils vont peut-être vraiment s'ennuyer de la chimie qu'ils avaient ensemble. Mais c'est officiel qu'ils sont séparés maintenant. Donc, parce que cette tune-là, c'est vraiment bon. Là. Oui, mais en fait, l'EP est excellent, là. EP qui porte le nom de New Ice Age, qui est paru sur Rise Above Record à la fin 2011, toute fin 2011. On a entendu la première pièce, Open Mind Surgery. C'est du très bon Stoner Doom. Excellent. Juste auparavant, nous avions une autre formation britannique qui, je crois, te plaît aussi. Oh, excellent album. Dernier album de cette formation, Orange Goblin, qui, espérant avec toi. Non. Moi, c'est Green Goblin. Ben, moi, c'est le côté des gris pis des verts, là. Les okay. Oranges sont trop joyeux. Ils sont trop joyeux. Orange Goblin et la pièce Red Tide Rising, pièce d'ouverture de l'album Analogy for the Dam, qui était suivie immédiatement par une autre pièce d'Orange Goblin, soit Stand for Something, la deuxième pièce de l'album, du même album, paru en 2012, début 2012, sur Candlelight. Quel bon album, quelle bonne formation. Et quel bon label aussi. Oui, absolument, tout à fait. Oui, c'est vrai, faut le dire. Donc, ceci étant dit, nous aurons quand même, à travers cette présentation spéciale du Great Metal Massacre Circus, quelques petites chroniques de choses à venir au niveau musical et appréciation cinéma, dont j'aurai fait l'échantillonnage le week-end dernier. Mais Sinistros a deux albums à nous introduire aussi ce soir. Oui, tout d'abord, formation sherbrookoise qui a lancé un deuxième album qui s'intitule The Fall of Illusions. C'est nommé East, qui est un deuxième album qui est paru à fin 2011, qui est de loin supérieur à leur premier album qui était Deep Within the Core. Ben, c'est ça que je voulais te demander. Comment tu le situais par rapport au précédent? Pas mal supérieur, beaucoup plus progressif. Le côté metalcore, il est pratiquement disparu. Yeah, effectivement. Quoique, c'était pas si pire que ça sur Deep Within the Core, là. C'était pas flagrant metalcore, là. Il y avait beaucoup de doses de death là-dedans aussi. Mm-hmm. Mais maintenant, on est vraiment, là, dans le death progressif, là. Petite nuance, peut-être un petit tombe au tableau, peut-être pour les prochaines parutions, il devrait considérer d'avoir un chanteur beaucoup plus puissant. Au niveau de, tu veux dire, vocal. Okay. Ça manque de, tu sais, avec toute l'énergie qui est dégagée, musicalement, du chanteur, il me semble qu'il manque un peu de torque pour agrémenter le kit, là. Mais ça, regarde, ça demeure... moi, j'ai donné un 8.8 ou 8.5 sur 10, je crois. Je vais te le dire à l'instant, mon cher, parce que je suis justement sur 8, la page. C'est un 8 sur 10, je pense. Tu as donné un 8 sur 10, effectivement. C'est probablement dû à ça, là, le côté vocal. C'est pas désagréable. C'est juste que ça manque de... il manque de puissance. Il manque de power dans le vocal. Je comprends. On va entendre deux pièces, je dois vous avouer que ces musiciens-là sont assez impressionnants sur leurs instruments respectifs. Il y a des bons riffs, des bonnes doses progressives, c'est vraiment cool. Fait qu'on va entendre A Sight of Hope et The Great Escape. The Great Escape, qui est ma pièce préférée de l'album The Fall of Illusions. Voici East, puis après ça, ben, on va y aller avec une formation américaine qui s'appelle Goat Horror. Yeah.

Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Hey, hey, hey! C'est votre vieux chummy Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est fou! Passez nous voir, on a pour tous les goûts ici dedans. Il y a du francophone pis de l'anglophone, mais aussi les meilleurs moments d'assemblage requis, les trouvailles de Justine. Hey, je te niaise pas, je suis en train de virer fou. Encore plus fou, là! Les palmarès, c'est fou. Un condensé. De la meilleure musique que c'est fou. À vous offrir. Les jeudis, de 14h à 17h. Vendredi, 17h ou lundi, à 13h. Puis retrouvez donc les notes de l'émission puis les balados, c'est ça, balado-diffusion sur assemblagerequis.com. C'est pas sur Internet, cette affaire-là, encore les niaiseries, hein? T'es en train de me voler ma clientèle, cette affaire-là. En tout cas, je suis crazy, crazy, crazy! Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89. Oh! 19h46. Oh, qu'on s'approche tranquillement du grand cirque malade. Ça s'en vient de plus en plus, mon ami! Oh. Ça s'en vient, mais avant! Qu'avons-nous entendu? Hey! Nouvel album de la formation américaine Goat Whore. Un excellent album qui rentre dans mythe. J'ai bien aimé, et qui s'évalue un gros 8.5 sur 10 de ma part. Mais j'accoterais cette étiquette. Efficace, dans ta face, 1, 2, 3 go, puis on trash. Nous irons au bois. Eh oui. Non, j'ai bien aimé, moi aussi, le dernier Goat Whore. Très bon, très bon. J'avais bien aimé le précédent, puis je pense que celui-là est supérieur. Ben, moi, j'ai entendu quelques pièces précédentes, puis quelques pièces de l'autre, puis quelques pièces de l'autre. J'avais pas vraiment d'album de Goat Whore. Juste quelques pièces ici et là, puis j'haïssais pas ça. Mais celui-là, je dois vraiment avouer que ça... Ouais, c'est bien. Ça m'a jeté par terre. On a entendu les pièces Parasitic Scriptures of the Sacred Word, When Steel and Boat Mean... Puis Collapse and Eternal Worth. C'est tiré de l'album Blood for the Master, qui a une très, très belle pochette en bas. C'est vrai, la pochette est très simple, mais efficace. Bien, tu regardes comme il faut, tous les petits détails qu'il y a dans le skull, puis les petits détails qu'il y a dans le bras avec le sang qui coule, là. Il y a un paquet de tatous là-dedans, c'est vraiment cool, là. Ouais. C'est sorti le 14 février, tout un cadeau de Saint-Valentin, n'est-ce pas? c'est sur Metal Blade Records, donc c'est disponible à peu près là où vous le désirez. I love you, darling. This is Gold War. Oh, I love you, darling. You're a parasitic scripter of the sacred word. Hey, côté spectacle, oui, avant, on a eu East. On a eu formation. Je m'excuse moi-même parce que je m'en allais oublier. Même si je les ai annoncés avant. On a entendu East avec deux pièces de l'album The Fall of Illusions qui est paru à la fin 2011 sur étiquette indépendante. Il y a malheureusement beaucoup de bandes là-dessus. Hein, pis, non, mais c'est un label très prolifique. Indépendant, oui, ouais. Mais il n'aide pas les artistes bien. Non, mais il est très indépendant. Mais oui. On a entendu des pièces de Great Escape et A Sight of Hope qui... Ouais, j'ai trouvé... The Fall of Illusion qui est pas mal supérieur à Deep Within the Core, mais pour les prochaines étapes d'enregistrement, trouvez-moi un chanteur qui bûche plus. Ou donnez-y un peu plus de caverne. C'est vrai, parce que le chanteur joue de la guitare en même temps. Hein, fait que Mais là, en studio, t'as pas fait ça. Non, là. En studio, non, c'est... effectivement. Bon. Ben moi aussi j'ai trouvé qu'il était... Écoute, c'est pas une formation que je connais énormément, mais je me rappelle que tu en as passé à certaines reprises du premier album, puis je pense que c'est ça ce que j'ai entendu. Oh, c'est supérieur. Ouais, j'ai aimé beaucoup plus, effectivement. Côté spectacle, qui sont amenés dans la région immédiate. Bon, j'entends. Spectacle, et je parle pas de celui qui s'en vient dans quelques minutes, mais je parle de vrais spectacles dans des salles de spectacle. Quand on parle de région immédiate, c'est celle de Trois-Rivières. Oui, il faut bien si vous êtes à Rouen, ben là, ça vous concerne pas vraiment. Ben, vous pouvez venir, ça va nous faire plaisir, mais bon. Donc, dans la région immédiate de Trois-Rivières, merci Sinistros de préciser. Trois-Rivières Metal présente le samedi 3 mars prochain au Rockefeller Stage les formations Blind Witness, Hopeless Nation, Hear My Words et Worth Dying For. C'est à l'ouverture des portes sera 19h, le début du spectacle est à 20h, la coûtera 12$ et c'est pour tous. Toujours Trois-Rivières Metal, samedi le 10 mars et toujours au Rockefeller Stage. Formation Blackguard, Blinded by Fate, Morgue et North Theme. L'ouverture des portes est à 19h, début du spectacle est à 20h, c'est 12$ et c'est pour tous. À l'Acrobar, samedi le 7 avril prochain, Riotor, FTME, hommage à SOD, avec notre ami Jeff, notre ami Bard. Aussi. Et notre ami Dominique. Ben voilà, on vient de nommer les trois membres du band. Bonsoir messieurs. La formation Phosphorus et Satanic Glue Sniffers. C'est très drôle de nom, hein? Ben moi je sais pas, mais ça m'accroche pas. Satanic, ça va, mais Glue Sniffer me semble que... Ben écoute, c'est pas, là. Il y a peut-être quelque chose qu'on comprend pas en arrière, là. Mais... OK. Ou l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est samedi le 7 avril. Les spectacles sont à 20h à l'Acrobar, ici au centre-ville, sur la rue Saint-Georges. En face du Metal Punk. Oui, bonsoir Pierre. On t'a pas oublié, Pierre. On a juste pas le temps. pas juste le temps qu'on n'a pas. C'est, comme je le disais, samedi le 7 avril à l'Acrobar, à 20h, il en coûtera 5$ et c'est 18 ans et plus. Trois-Rivières Metal présente toujours à Café Le Stage samedi le 14 avril d'ouverture des portes à 19h, début du spectacle à 19h30, 15$ pour tous. Les formations Unexpect, Obscurcis Romancia, Troll Haynes, Carchaos, et Battle Soul. Donc, c'est le 14 avril. Le Trois-Rivières Metal Fest 12e édition se tiendra cette année. Toujours à la bâtisse industrielle, les vendredis 12 et samedi 13 octobre prochain. Donc, c'est comme un pour tous. Nous aimerions bien vous annoncer des bands du Trois-Rivières Metal Fest, mais on n'est pas dans le secret des yeux, nous autres non plus. Non, on le sait pas, on n'en a aucune idée. Ça va venir. Oui. On sera en temps et lieu. Un jour à la fois. Ben oui, doux sinistrose. Dans quelques instants, c'est le Great Metal Massacre Circus qui défilera devant vous, non pas ça va être le visuellement, mais auditivement. Ça va être très, très, très massacrant. Du plaisir et de l'agrément avec les tripes et tout. Exactement. C'est une seule et unique représentation parce qu'on sait que ce cirque se promène à travers la planète, mais fait un peu, ou je dirais, comme les raves le faisaient. On le sait. La journée même. Ouh, même grand-mère se possède plus. Mais c'est beaucoup mieux. Les grand-mères, dis-nous comment tu trouves ça. Pas pour qui, pas quoi. On va débuter immédiatement, mesdames et messieurs, enfants de tous âges, pauvres mortels et crétins de tout acabit. Moi de même. Je t'inclus. Parce que nous sommes les deux présentateurs. Et oui, nous sommes les animateurs de cette triste soirée. Vous aurez l'immense et agréable et peut-être même ténébreux plaisir d'entendre ce soir des formations qui vont vous donner un spectacle tout à fait atroce, des tortures sonores, des lacérations auditives et mentales. Ah, et qui plus est, une abomination de décibels. This is the Great Metal Massacre Circus, just for you, in your fucking face. mercredi à partir de 22h sur les ondes de C'est Fou 89.1. Le Transformer vous fera découvrir le style trance ou trance à travers des remixes et des transitions qui vous transporteront dans cet univers translucide du techno-progressif où les mélodies se transforment de manière à vous amener en état de trance. C'est un rendez-vous chaque mercredi à 22h sur les ondes de C'est Fou. Tout le monde peut participer aux Journées de la persévérance scolaire. Du 13 au 17 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte d'encouragement sur soyonscompères.com. Getaroom.ca présente les spectacles de Joey Cape et Hugo Moody à l'espace Hyperion le jeudi 9 février prochain. William Fitzsimmons et Denison Whitmer au Cercle le dimanche 12 février. Pour la Saint-Valentin, The Queers, The Ataris, Far From Finished, The Summer Cheers et Portland au Dagobert le 14 février. The Wooden Sky au Cercle le samedi 25 février. Et Young the Giant et Walk the Moon au Cercle le dimanche 4 mars prochain. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via getaroom.ca. Allez visiter la page Facebook de Getaroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com/getaroom.ca. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Samedi 11 et dimanche 12 février, championnat de natation universitaire au CAPS de l'UQTR. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriotes. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Ah! Hey, des cracheurs de feu, c'était vraiment impressionnant. Et tu as vu le funambule qui s'est empalé sur son lit de clous? Puis l'autre nounoune que ça a tiré de camp en bas. C'est cassé le cou et en plus, elle avait la jambe doublement tordue autour du front. C'est fun. Extraordinaire. Le cracheur de feu, il a avalé son bâton tordant. Allumé. Eh oui. Première partie qui vient de se terminer ici de ce Great Metal Massacre Circus avec la formation américaine en fest. Vous êtes pratiquement tous dans ce premier tour de piste. Misery Index et la pièce Angst ist die Seelhoff. Hi, tu t'en viens pas pire. Par contre, je ne pourrais le traduire. Ben, t'es pas obligé. Qui est tiré de l'album Retaliate, qui est paru en 2003 sur Nuclear Blast. Juste auparavant, nous avions la charmante petite comptine pour endormir vos enfants de Brutal Truth, Sugar Daddy. Mm. Pièce dans le fond, pas à peu près, hein. C'est la pièce d'ouverture de l'album, de l'avant-dernier album Evolution Truth Revolution, qui est paru en 2009 sur Relapse. Quelle pièce agitée. Nous avions Napalm Death et la pièce Work to Rule, qui apparaît sur l'avant-dernier album. En fait, le prochain album de Napalm Death est à paraître sous peu, et ce soit la date suivante. Je pense que c'est le 27. Le 28. 28 février prochain, Napalm Death, l'album Utilitarian. Ben, hâte d'entendre ça. Effectivement. Effectivement, moi de même. C'était la pièce, comme je l'ai dit, Work to Rule, qui apparaît sur l'album Time Waits for No Slaves, qui apparaît en 2009 sur Century Media. Nous avions juste auparavant Terrorizer et la pièce Legacy of Brutality qu'on retrouve sur l'album Darker Days Ahead qui est paru en 2006 à Century Media. Et nous avions ouvert avec Cannibal Corpse et la pièce Force Fed Broken Glass qui est une pièce tirée de l'album de The Bleeding, l'ensanglantement, paru en 1994 sur Metal Blade. Et d'ailleurs, pour les amateurs de cette formation pionnière du death metal comme on le connaît majoritairement aujourd'hui, eh bien, le 13 mars prochain, Cannibal Corpse sort sa nouvelle parution qui portera tout simplement le nom de Torture. Et titi. Ceci étant dit, nos prochains artistes sont en piste sinistros et ils sont prêts à défiler. On est rendu avec les lions mangeurs d'hommes. Ça va être excellent. Oui, ben ça serait, c'est plus intéressant que des hommes mangeurs de lions. Ben, c'est pas de challenge là-dedans. Effectivement. Donc, dans cette fosse, avec les gladiateurs et tout... Nous précipiterons qui donc? Pas moi. Moi, je passe mon tour. Oh! T'as perdu. Ben, tu peux y aller, toi. Je te laisse ma place. Ouais, vas-y, si ça fait pas mal, j'irai. Ben, on va y aller avec une agression totale. Oh, d'accord! Parce qu'on ne seront pas cédés. Tout à fait. On va commencer avec Aggression, formation québécoise culte des années 80. Oui. Avec la pièce Green Goblin, qui est mon petit cousin finalement. Mm-hmm. Tiré l'album de Full Treatment de 1987. Ça sera suivi de Possessed, formation culte américaine avec la pièce Death Metal, qui est tiré sur Seven Churches, paru en 85 sur Combat. Go! Ladies and gentlemen, Aggression! Leave her up. Hyperion.ca présente les spectacles de Joey Cape et Hugo Moody à l'espace Hyperion le jeudi 9 février prochain. William Fitzsimmons et Dennison Whitmer au Cercle le dimanche 12 février. Pour la Saint-Valentin, The Queers, The Ataris, Far From Finished, Summer Cheers et Portland au Dagobert le 14 février. The Wooden Sky au Cercle le samedi 25 février. Et Young the Giant et Walk the Moon au Cercle le dimanche 4 mars prochain. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via getaroom.ca. Allez visiter la page Facebook de Getaroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com/getaroom.ca. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! Salut, mon Danny! Ah, salut. Ça a pas l'air d'aller, mon chum? Bah, je pense que je suis du bout de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi, moi, t'arranger ça. Oh, oh, aussi que tu m'amènes, toi, là, là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique, avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Tu vas voir, mon Danny, on va te les changer, les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment trippants et ils connaissent ça pas à peu près. Fait que, embarque avec moi, on s'en va au 41-70, boulevard des Forges, juste à côté de la cage au sport. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc? Juste une fois. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine, dans le dîner de cons sur C'est fou 89. Toute une semaine. Le dîner de cons est une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 41-70, boulevard des Forges. Je sais, c'est constructif. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Comment vous portez-vous? Hey, c'était le fun, hein? Oh! Ça a pas pris tant que le lion l'a mangé, hein? Une bouchée et quelques intestins plus tard, c'était fait. Il a même pas eu le temps de se défendre, ça fait... Faut dire qu'ils avaient été affamés depuis les deux derniers mois. Ah, ben on a bien travaillé, hein? Oui. Excellent, ça. Va te coucher, Lyon. Quels sont les artistes qui ont défilé sous le chapiteau? Les artistes sont mourus sous ce chapiteau ce soir. On a eu Narcmystium, formation américaine, avec Your True Enemy. Ouais, je pense que c'était Lyon, ça, finalement. Ouais. C'est tiré de l'album Assassin's Black Metal Part 1, paru en 2008 sur Century Media, qui est un excellent album. Le Part 2 aussi est vraiment bon. On a eu la formation de... C'est Netherlands, c'est quoi? En Hollande? Hollande. Bon, des Hollandais de Lugubre avec la pièce Exterminate. Effectivement, on extermine tout le monde avec une tourne de même. C'était tiré de Supreme Ritual Genocide, paru en 2010 sur Falter Records, label que je connais pas du tout. Moi non plus. C'est pas grave. On a eu Talk, One Man Band norvégien avec la pièce Orkan qui était parue sur Norex Vapen, excellent album de 2011 tiré sur Dark Essence Records. On a eu le cultissime Possess avec la pièce Death Metal qui a donné le titre au style finalement. Avec l'album Seven Churches paru en 85 sur Combat Records. Combat qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense pas. Ah, peut-être que oui. Oui, ça existe encore. Oui, peut-être que Combat existe encore. Oui, je pense que oui. Ou c'est peut-être un comeback qu'ils ont fait. Mais je pense que... Ouais, peut-être, ouais. T'as peut-être raison. Aggression, formation montréalaise avec la pièce Green Goblin qui est apparue sur The Full Treatment de 87 avec un défunt label qui était Banzai Records. Effectivement. Quelle pièce, Green Goblin? Eh bien... L'image de mon cousin. Oui, ton cousin que j'ai jamais eu le loisir de rencontrer jusqu'à présent. Il est pas très commode. Ben, c'est de famille, là. Eh, mais il est pire que moi, lui, par exemple. Ah, ça doit être assez exécrable. Moi, je suis gris, lui, il est vert. Ça, ouais. C'est... L'effet de pourriture est plus avancé. Oui, c'est ça. J'imagine que sa présence se fait sentir, hein. Il est maintenant 20h44 et cette prochaine présentation comportera un élément spécial puisque nous avons un tirage. Ouais, on vous tire toute la gang. Et ce, pour le même prix. Il n'y a plus personne dans la foule. Ça, c'est les lanceurs de couteaux. Nous allons entendre de lors de ce prochain, spectacle décadent, une formation canadienne qui porte le nom de Nephilim. Nephilim qu'on a présenté ici à Réanimation il y a de cela quelques semaines à peine, qui est une excellente formation de brutal death metal, formation torontoise, et leur premier album, Cries of Entropy, qui est paru. C'est une autoproduction, c'est distribué par John Asher Music. Et d'ailleurs, je dois remercier personnellement Barbara Pavorny pour m'avoir permis de connaître cette formation-là. Et ce soir, je le dis parce que la question est la suivante. Donc, le premier appel, pas immédiatement, bande de clowns. Ah, clowns. On a oublié d'en mettre des clowns. Ah, non. C'est les lions qu'ils ont mangé. Les clowns. C'est nous autres, les clowns, voyons. Ah oui. Dans le prochain bloc, le deuxième pièce de ce bloc porte le titre de Burial Ground, qui est le nouveau single tiré de Cries of Entropy de Nephilim. Je pense que c'est Tales of Entropy. Non. Coils. C'est Coils. C'est ça? Ben, je sais pas, là, c'est marqué C-O-I-L-S. Moi, je sais plus lire, moi. Non, toi, tu sais pas lire. OK. Donc, lorsque cette deuxième pièce de ce prochain bloc débutera, c'est simple, il s'agira de Nephilim. C'est le premier appel qui... Appelle ici à la station. Et Sinistro, je te demande de donner le numéro pour nous rejoindre. Le 819-376-5183. Et je répète, 819-376-5183. Nous allons prendre le premier appel. Voilà. Ceci étant dit, ladies and gentlemen, et autre chose stupide qui marchait sur ce sol terrestre, voici l'autre présentation du Great Metal Massacre Circus, mettant en vedette en premier lieu la formation polonaise Dice Array. Silence à tous, puisque cette prestation demande un haut niveau de concentration, sinon vous mourrez tous. Go!

Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes! Vivez les Patriotes de l'UQTR. Dimanche 26 février, les Patriotes Soccer affrontent Concordia au centre Alphonse Desjardins. Féminin 14h, masculin 16h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriotes. En 1962, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'automobile et surtout à l'écoute de sa clientèle voit le jour. Encore aujourd'hui, le garage Yves Gauthier se démarque par son service exceptionnel. Que ce soit pour l'entretien préventif, la mécanique générale, les pneus, le traitement de tirouille et son service de carrosserie, notre équipe saura être à l'écoute de vos besoins. Le garage Yves Gauthier, des techniciens qui vous connaissent et vous appellent par votre nom depuis trois générations. 819-375-6835, garagegauthier.ca. QuébecPunkScene.net, le site de l'actualité punk, ska, emo et hardcore du Québec. Avec une liste de concerts mis à jour quotidiennement et une fiche détaillée de plus de 500 groupes québécois, QuébecPunkScene est sans aucun doute le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur QuébecPunkScene.net. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Wow! 21h18, c'était un autre tour de piste, mon cher. De piste, j'ai bien dit. J'avais compris. Nous avons entendu la formation bolognaise. Bolognaise, mon petit spaghetti, là. Behemoth et la pièce Anti-Christian Phenomenon, pièce d'ouverture de l'album Telema 6, qui est paru en 2000. Juste auparavant, nous avions cette, cataclysme, littéralement, décibélien. Origin et la pièce Salegia, qui est tirée du dernier album Entity, qui est paru en 2011. Ouais, ça brasse Entity. Ouais. Paru en 2011 sur Nuclear Blast. Immolation, formation des États-Unis d'Amérique avec Burn With Jesus, tiré de l'album Here and After de 1996. Metal Blade, They Side, et la pièce In the Eyes of God, tiré de l'avant-dernier album Till Death Do Us Part, qui est paru en 2008 sur Earache. C'est un des très bons albums, je dois dire. Et Nephilim, formation canadienne, et la pièce Burial Ground, tiré du premier album Coils of Entropy, qui est paru en 2012. Très bon, ça. Indépendant, distribué par John Asher. Et nous avons un gagnant. Dr. No, le gagnant. Dr. No! Se méritait cet album, The Coils of Entropy de Nephilim. Donc, il nous fera grand plaisir de lui faire parvenir dans les plus brefs délais. C'est-à-dire quelques années. Ouais, ben, pour le temps, le temps pour nous, c'est secondaire. C'est tel que tel. Non, ça va être assez rapide. Et, ben, c'est le fun que ce soit lui qui ait gagné aussi. Oui. Parce qu'on sait qu'il va pleinement l'apprécier. Donc, we salute you, Dr. No. Nous avions Dies Irae, formation bolognaise aussi. Bolognaise. Gagne de cornichons bolognais. Formation polonaise et la pièce Hidden Lore que l'on retrouve sur, ben, en fait, l'album Nihility de 2002. Qui est apparu sur Earache et moi je trouve que c'est drôle hein parce que je pense pas passer ce band-là puis c'est super bon. Fait que ça va devrait revenir dans les prochaines. D'Israeli, je m'a dit, c'est ça? D'Israeli, oui, c'est ça. D'Israeli, Dies Irae. Bref! Là, il faudrait se faire une chronique cinéma ou quelque chose parce que là, on va arriver dans le temps puis on va se poser des questions. Là. Il me reste encore un bloc. Ah, il te reste encore un bloc, ouais, ouais. C'est toi qui vas incruer. Incuber, d'incomber la finale bâton? Je pense pas qu'on ait le temps. Ah, OK. Bref, par contre, un film qui serait à voir, et je pense que toi, tu n'es pas un fan de Clint Eastwood. Ben là, j'ai vu que Leonardo m'a fait un truc qui était dedans. Là, c'est la vedette, effectivement. Ah, oui. Ça devrait être pas pire. Avec pas. Naomi Watts, qui est excellente. Ah, très bonne. Moi, Clint Eastwood, je trouve que c'est... Ouais, mais moi, autant qu'il joue pas dedans. Ah, moi, je l'aime comme acteur, ce gars-là. Je le trouve super bon comme acteur. J'ai tout le temps trouvé bon. Il y a toujours des rôles qui étaient très... qui demandaient beaucoup de charisme sans beaucoup de texte. Puis ça, il l'avait très, très bien. Maintenant, il est passé... Ben, depuis longtemps, il est passé de l'autre côté de la caméra. Il réalise. Il a sa propre compagnie de production, Malpasso. Il fait des films qui sont vraiment très, très, très professionnels, très léchés. Il s'adresse et il s'attaque à des sujets qui sont pas toujours évidents, doit-on le dire. Et ici, il s'est attaqué à J. Edgar Hoover, Johnny Edgar Hoover, qui est probablement un des hommes les plus, je dirais, à quelque part dans l'histoire contemporaine des États-Unis, un des plus influents, aussi un des plus craints, mais un des plus tordus que cette nation-là ait eu. C'était le, il est devenu le directeur du Federal Bureau of Investigation, le FBI. Le FBI. Et c'est quelqu'un qui était très avant-gardiste parce que c'est lui qui a amené vraiment les techniques scientifiques d'enquête au niveau de, des scènes de crime, des choses comme ça. Puis on le voit bien dans le film parce que au début, il fait rire de lui. Il se rend sur une scène de crime, puis les inspecteurs et les policiers qui sont là, ben, ils pilotent partout, ils tossent tout, ils touchent à tout. Puis là, à un moment donné, ils disent, hey, arrêtez ça, là. Il dit, c'est toute la scène de crime. Les indices sont tous là. Vous êtes en train de tous les détruire. Puis il rit, lui, en voulant dire, fais là le jeune cave, là, tu sais. Puis finalement, c'est un gars qui est relativement introverti, mais en même temps très coléreux. Il réussit à se tailler une place au sein. Il gravit les échelons vraiment un par un au niveau du FBI, qui à l'époque, le FBI n'avait pas énormément de législation, faut-on dire. C'était très territorial et c'était aussi plus ou moins reconnu gouvernementalement parlant. Et il réussit à propulser cette agence-là au top niveau qu'elle est aujourd'hui, mais par des chemins qui ont été assez tordus. Et lui-même était très tourmenté. C'était quelqu'un qui se travestissait avec les vêtements de sa femme. Oh oui, parce que c'était un vieux garçon hein, qui a resté avec sa femme tout le temps. Sa mère. Parce que j'ai dit sa femme, mais c'est sa mère. Et il était très... c'est ça, très tourmenté, mais en même temps très tordu. C'était un malade mental à quelque part, là, faut bien le dire. Et ici, il est interprété par Leonardo DiCaprio. Et je le dirai jamais assez, cet acteur-là, cet homme-là, qui est DiCaprio, est probablement un des meilleurs acteurs que nous avons. Pour le moins dans cette décennie. L'année 2000 aussi. Sa carrière a été pas mal constante. Là. Il a commencé comme étant un jeune premier qui faisait triper les jeunes groupies. Oh, oui. Mais il a pas embarqué là-dedans. Il a gardé toujours une tête très froide et une vie privée très secrète. C'est ce qui a permis de devenir de plus en plus meilleur, mais de conserver ce standing d'acteur-là, vedette. Et il incarne n'importe quoi. Il est capable d'incarner n'importe quoi, n'importe quel rôle. Ici, il s'attaque à quelque chose de gros. Ouais. Et incarner Hoover, il le joue du début à la fin. Là. La transformation se fait et tout. C'est toujours lui qui le fait. Il est excellent. C'est un film, c'est un drame psychologique. C'est pas un film d'action. C'est pas un film policier. Ben oui, il y a un certain aspect policier. Mais c'est vraiment un film psychologique. Ça s'adresse pas à tout le monde. C'est un film qui est long, qui dure pratiquement 3 heures. Moi, j'ai trouvé ça pas mal bon. Je pense que c'est un film qui mérite d'être vu pour les cinéphiles. Quelqu'un qui a le goût d'écouter Transformers, l'écoutez pas ça, là, c'est pas pour vous autres pantoute, là. T'sais, ça attend, là. Mais J. Edgar, je pense qu'il est en location, là, ça c'est certain, mais je pense qu'il tombe en vente, là, je crois que c'est la semaine prochaine ou, je pense que c'est mardi prochain, effectivement. Bref, c'était cela. Maintenant, nous allons continuer avec notre Great Metal Massacre Circus avec... La musique de fou. Les artistes que tu présentes. Oui, une gang de clowns, cette fois-ci. Des clowns morbides et... Des clowns morbides. Bon, tripeux de déchiquetage de boyaux et de viscères. Des clowns gore. Oui, des clowns gore. Okay, ben c'est excellent. Pour aller dans notre cirque. Ben oui, ça en prend. Ouais. Toi qui disais tout à l'heure que les clowns n'étaient pas là, mais ils viennent d'arriver. C'est un peu comme les schtroumpfs, ça. Ils ont chacun le personnalité. Ils vont avoir le schtroumpf Jason, mettons, avec une scie mécanique. Il va avoir le clown éviscérateur, il va avoir le clown décapiteur, le clown écarteleur, le clown lobotomiseur. Le clown crampé ben raide. Le clown, le mort de clown. Eh bien, on va commencer ce bloc avec formation norvégienne qui a pour nom Cape of Kallesen. Cape of Kallesen avec une pièce Judgment qui est tirée de leur dernier album qui est intitulé Reptilian, qui est paru en 2010 sur Indie Recordings. Alors, nous aurons du Flesh God Apocalypse, nous aurons Nader Sadek et formation québécoise Superior Enlightenment. Ladies and gentlemen, Cape of Kallesen. Vous mourrez sous peu. K.O. We'll be right back.

Notre équipe saura être à l'écoute de vos besoins. Le Garage Yves Gauthier, des techniciens qui vous connaissent et vous appellent par votre nom depuis trois générations. 819-375-6835, garagegauthier.ca. QuébecPunkScene.net, le site de l'actualité punk, ska, emo et hardcore du Québec. Avec une liste de concerts mis à jour quotidiennement et une fiche détaillée de plus de 500 groupes québécois, QuébecPunkScene est sans aucun doute le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur QuébecPunkScene.net. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Disent que vous êtes assez fous pour l'écouter. C'est pas vrai, ça. Non. Vous êtes encore bien plus fous que ça. En tout cas, de nous écouter. C'était l'avant-dernier tour de piste. Ah, les clowns, ils se sont fait massacrer. Hein? Non, c'était pas reposant. Ah, on a l'air que ça a éclaboussé beaucoup, je trouve. Ben oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Excellent. Le clown à la tronçonneuse était... Il était convaincant. Il était très convaincant. Ouais. Même les petits-enfants ne l'ont pas trouvé drôle. Les petits-enfants? Ouais. Quel petits-enfants? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et on vient d'entendre formation montréalaise et québécoise, Superior Enlightenment, avec la pièce Ineffable Winds of Neptune, qui est tirée de The Great Obscurantism de 2009. C'était sur Mankind's Demise. On a eu la formation américaine Nether Sadek, dans laquelle on retrouve Flo Mounier à la batterie. On a entendu la pièce Petrophilia, qui est tirée de In the Flesh, excellent album de 2011, qui est apparu sur Season of Mist. On a eu les Italiens, pas très romantiques, de Flesh God Apocalypse. Eux autres, les gondoles, c'est deux, hein? Ouais, les gondoles, ils coulent, eux autres. Ouais. On a entendu la pièce The Imposition, c'est tiré de Agony. Autre excellent album de 2011, est apparu sur Nuclear Blast. Et on a commencé avec les Norvégiens de Cape of Callison, avec la pièce Judgment de l'excellent album Reptilian, paru en 2010 sur Indie Recordings. Excellent. Et ce soir, c'est à toi qui incombe de terminer cette putain d'émission. Tout à fait. Chose rare depuis les dernières années, pratiquement. Effectivement, c'est le dernier tour de piste du Great Massacre. On a épuisé les lions, on a épuisé les danseurs, on a épuisé les funambules, on vient de massacrer les clowns. Il reste quoi, là? Les éléphants. Les éléphants. Oh! Des tripes d'éléphants dans de la graisse du russe. Non, c'est pas les tripes d'éléphants, mais c'est bien les éléphants qui vont faire sortir les tripes des autres. En les piétinant, mon ami. Ah, c'est pesant. Parce qu'avec la prochaine formation... C'est pesant. C'est pas reposant. Donc, dernier tour de piste pour ce... Great Metal Massacre Circus. On espérera que cela vous aura plu ou déplu. On espère plus que ça vous a déplu qu'autre chose. On va tenter de présenter encore au moins deux pièces minimalement. Mais pour tout de suite, on va aller écouter une formation qui est québécoise, qui est canadienne, qui est défunte, qui n'aura eu qu'un seul petit EP ou à peu près. Je parle de la formation Negativa. Écoutons à l'instant la pièce Chaos in Motion. que ça t'a plu? Ben, c'est quand même intéressant. C'est spécial. C'est très spécial. Moi, j'aime beaucoup. C'est très expérimental. Oui, c'est expérimental. Ouais. Comme je te dis, je te parlais hors onde d'une formation qui s'appelle Keta. Je vais le réécouter comme faut. Mm-hmm. C'est un genre de weirdness comme ça, là. C'est pas reposant. Ah oui, écoute, c'est... Negativa, c'est un peu les cendres de Gorgoth, à quelque part, là. Non, mais je trouvais ça très intéressant, les sons qui se mélangent avec des riffs, vraiment des accords, pour quel accord. Non, écoute, c'est vraiment, là, c'est pratiquement d'ordre spatial. Mm. Donc, c'est un Negativa et la pièce Chaos in Motion tirée de l'album, du mini-album Negativa qui est paru en 2006 sur Pro Disc. Il nous reste à peine le temps de passer une dernière pièce. Mais avant de passer ces dernières pièces, moi, la semaine prochaine, je propose de faire une incursion sur la compilation qui vient de paraître de la formation Autopsy. Ouais, c'est All Tomorrow's Funeral qui est paru il y a très peu de temps sur Roadrunner Records. C'est une compilation de 22 pièces qui remet un peu en scène certaines des meilleures pièces parues de cette formation américaine qui donne dans un old school death metal. Donc, on va faire une incursion de quelques pièces sur cette compilation. Et moi, j'aurai à vous présenter une formation black metal un petit peu expérimentale qui s'appelle Seer Bliss, qui est très intéressante. On va vous amener de la musique obscure, mais assez weird. Et en plus de ça, ben, l'habituel, c'est-à-dire... des atrocités. Ah, ça va, rien là. Mais non! On se quitte sur une dernière pièce de Hate Eternal, formation américaine, et la pièce The Heart of Redemption, qui est tirée du dernier album Phoenix Amongst the Ashes, paru un peu plus tôt, en 2011, sur Metal Blade. Et on se revoit la semaine prochaine, et d'ici là, allez tous vous faire foutre. Bonsoir, et merci d'avoir assisté.